York. Dégage ma clique, prenne place. Passe ton chemin ou bien tu te répasses. Place, on zasse des as, on mic, on fera pas de grâce. On vient reprendre ce qui nous est dû avec des intérêts. Sortez les billets, les jeunes d'aujourd'hui veulent tous du concret. Prétendent pouvoir vu qu'on a jamais pu rien avoir. Qui sait, peut-être qu'un jour on arrêtera de se faire avoir. On sera tous diplômés, on se fondra dans le système pour tout niquer. On arrêtera de se jeter des pierres, de se tuer pour un regard croisé. Je sonne le requiem d'une société en décadence. Avec la chance, une pluie balayera toute cette caille, la présidence. La jeunesse sort à du travail et puis des vrais salaires. Si vous ne voulez plus de violence, vous savez ce qu'il faut faire. Le béton se brisera, les masses tomberont enfin. La rue n'aura plus de pièges, on sera jamais plus l'arbin. La vie sera une dame et pas cette pute qu'on côtoie. Y'aura plus de conflits, de race, de classe sociale, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que la chance va te sourire un beau jour quand par enchantement? Et t'auras le monde à tes pieds sans t'es rien foutu en fond. Ancien bandit, jeune des décidés que ça gronde et tout Paris. Tu paries que malgré ce qu'on vit, on ira tous au paradis. Faut pas attendre la mort pour être dans cette foutue vie. Les problèmes d'aujourd'hui seront ceux de demain, je te le dis. Je veux pas d'enfer ici, la terre c'est mon Eden et plus. Esta vie es un combat, solo los más fuertes ganan. Faut pas attendre la mort pour être bien dans cette foutue vie. Les problèmes d'aujourd'hui seront ceux de demain, je te le dis. Je veux pas d'enfer ici, la terre c'est mon Eden et puis. Puisqu'il faut tenir le coup, je m'accroche à la vie jusqu'au bout. Que ce soit Mobutu, Kabila ou bien Jospin. Parler de politique dans mes lyrics, crois pas que j'ose pas. Gouverné par un type honnête comme tout le monde, c'est ce que j'espère. Vu ce qui se passe au fil du temps, je constate ce point, j'espère. On dénigre le président, mais autour de ce chef d'état, sous-préfet, maire, sénateur, député de mèche d'état. C'est vrai que c'est difficile à assimiler, ouais, que c'est bête à accepter. Qu'on prenne le contribuable pour un gros bêta de sa bêtise. Nous crions beaucoup au champagne, sa blétise. A commencé d'ailleurs par un bon nombre de l'assemblée dont on a, à propos, je cite, jamais connu. Si les vieux courageux, il faut plus d'un abbé Pierre pour empêcher les types comme Léotard de la faire pépère. En France, on n'est pas encore hostile d'un Bill Clinton, même si ça lui fait pas la côte du petit dealer de Kingston. Et la misère au pays, comment ne pas être amer quand on brade les richesses du blend? Oui, si roulant en merco, bitume, on l'écume ou le destin, on veut pas le rater. Quitte à s'investir à fond dans la bicrave ou le karaté, de nos jours, dur de monnaie, réussite et paradis. Faut pas attendre la mort pour être bien dans cette foutue vie. Les problèmes d'aujourd'hui seront ceux de demain, je te le dis. Je veux pas d'enfer ici, la terre c'est mon Eden et puis. J'ai la rime et mon cran, mon amour propre comme ça la pluie. Faut pas attendre la mort pour être bien dans cette foutue vie. Les problèmes d'aujourd'hui seront ceux de demain, je te le dis. Je veux pas d'enfer ici, la terre c'est mon Eden et puis. J'ai la rime et mon cran, mon amour propre comme ça la pluie. J'viens d'enchir mes vérités comme des capitaux à Miami. Nettoyer la corruption par mes textes serait une utopie. J'suis né parmi les problèmes raciaux et sociaux de ce monde, j'vais pas m'en fondre. J'pourrais pas tomber plus bas que ça, plus bas que ça. Serait que l'État supprime ma liberté, que je ma vie défilée dans l'oubli, partir en fumée. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose qui se répète, que rien n'avance et qui en subit les conséquences. C'est les meilleurs qui s'en vont et les mêmes crapules qui restent et le comble. C'est de les revoir au Sénat en surnom. J'ai des frayeurs quand j'entends les propos de certains bords. C'est que je vois si souvent le diable apparaître sous différentes formes. Et si je pouvais briser le mauvais qui les envahit, je suis sûr que s'éveillerait en moi une lueur du paradis. Faut pas attendre la mort pour être bien dans cette foutue vie. Les problèmes d'aujourd'hui seront ceux de demain, je te le dis. Je veux pas de l'enfer ici, la terre c'est mon Eden et puis. Ils mourront pas car si je dormais ils m'auraient eu depuis. Faut pas attendre la mort pour être bien dans cette foutue vie. Les problèmes d'aujourd'hui seront ceux de demain, je te le dis. Je veux pas de l'enfer ici, la terre c'est mon Eden et puis. Ils mourront pas et si je dormais ils m'auraient eu depuis.